vie déterre. Chacun pour soi, la vie est un bras de fer. Les plus durs s'imposent, beaucoup d'amants souffert. Au second millénaire, ils m'ont remis les nerfs. Y'a ceux qui font la loi et ceux qui ont le sens des affaires. Peu de riches, plein de pauvres, le grand écart, la misère. L'évolution fait son chemin sans penser à ses frères. Ils ont promis du changement à son troisième anniversaire. En parlant démocratique tout en gardant la hâte de guerre. Ce ne sont que des boniments, que des paroles en l'air. Nouveau temps, nouvelle ère, on ne va pas se laisser faire. Les gens se croient puissants. Vous avez le pouvoir et regardez qu'en faites-vous.